Rap. À partir de maintenant. Yeah, t'es prêt ou quoi? Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau. Et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine. Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go! Ce soir et toute cette semaine, Joke passe par l'émission rap de référence. Are you ready? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Joke, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle soirée. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Bonsoir Joke. Bonsoir Fred, calme ou quoi? Eh bah écoute, comme d'hab, et toi? Tranquillement, bien. Peut-être dans l'Uxer parce que je me suis réveillé à une heure là. À une heure de. Donc je suis un peu KO. De la nuit, du. Là, il y a à 19h. Ah non, à 18h, à 18h53, tu t'es réveillé? Non. 19h. 19h. À 19h, donc oui, il y a 54 minutes. C'est ça. Ah oui, donc. Qu'est-ce que t'as fait? Je suis assez KO. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai dormi, j'ai besoin de trop de repos là. Je suis trop KO. Ça va aller? Entre les clips, les shit, bien sûr ça va, toujours. On va y aller doucement, on va mettre du son tranquille. C'est ça, on va rentrer dans le truc. Il y aura un invité ce soir, on l'a annoncé, j'ai vu que ça a basculé sur les réseaux sociaux. Ah bon? Je sais pas, moi je suis pas au courant, je dormais. Ah bon, ok, bah alors on dit rien pour l'instant. Okay. Bip, c'est là qu'on salue Azura, et là aussi, comme d'hab, l'équipe de base qu'on retrouve en tournée, puisqu'on parle de la tournée évidemment ce soir. Ce soir, des extraits d'Ateyaba, peut-être d'autres extraits aussi. On attend toujours le new sheet, peut-être un new sheet. Donc un nouveau morceau inédit, peut-être pas. Il faudra peut-être être patient. Réponse dans un instant, ne bougez pas, on est avec Joe, et on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Lame gilet dans les chaussettes, négro si je te taille direct t'as des procès. Mon son est carré comme s'il avait des épaulettes. J'park des whitey, m'en bat les couilles d'aller chez Colette. J'ai eu mon bras, qu'est-ce à l'aise genre Batman c'est là. Les MC pètent les bons genre il est pas bien celui-là. Magicien au kiss pocus, j'suis pas à 20 syllabes. J'fais des rimes richissimes, des rimes à 4-5 syllabes. Miracle, j'sors mon Joker. J'sors mon Batman killer. J'suis trop chaud, négro, l'air n'est même pas respirable. Million dollars baby, oh, j'suis même pas estimable. Gros, si j't'attaque, j'détruis ta carrière. J'ai pris ma part très tard chez ta tassière. J'suis dans cette tasse, même ce qu'il y a dans les cafetières. J'essaie averti, mais les négros ne veulent pas se taire. Veulent pas fermer l'heure, bouge donc on va fermer l'heure. Le game fait Rambam. On est sur les nerfs. Ikaz, on est sur les nerfs. On est sur les nerfs. 1 Sky. Ok. Ramène ta biche, j'apprends un sandwich avec le négro qui partage ma tête. Man, elle vient pas de Colombie, mais cette blanche me massacre la tête. Man, elle me reçoit 7 sur 7. J'sors ma hug, j'ai mes têtes sur tête. J'ai une liasse verte, j'ai une ceinture verte. J'ai une ceinture noire. Alléluia, la concurrence fait engloutir par des trous noirs. J'suis dans un club pas échangiste, on taille des pubs dans les fumoirs. J'vois des cougars dans les couloirs, tous mes négros sont allumés. T'as pas cette merde, n'est pas du nez. Le loup-garou est ma lunette, on est sur les nerfs. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Hier soir dans l'émission, et ce soir est une nouvelle émission avec Joke, entre 20 et 21, donc peut-être un invité, surprise. Ouais, c'est dossé. Ah bah. Ça y est, c'était revenu d'un seul coup. Non, en fait, je savais qu'il y avait des dossiers qui devaient passer, mais je sais pas si c'était jeudi ou vendredi en fait. Demain, tu es aussi du côté de Nantes, jeudi ça, j'espère que tu seras réveillé demain au concert. Ouais, t'inquiète pas. Pour les concerts, c'est notre histoire. C'est vrai? Ouais. C'est bon, y a... est-ce que t'es traqueux toi? Est-ce que tu flippes un peu avant de monter sur scène ou? Pas trop, non. Non. Avant, j'avais du trac au début, mais. Ça se traduisait comment? C'est quoi? En fait, t'as envie de monter sur scène rapidement, tu vois, histoire d'évacuer le stress. Mais maintenant, tranquille. On a l'habitude maintenant. Et bah très bien. Donc demain soir, du côté de Nantes. Ensuite, samedi, c'est Aulnay au Cap. C'est ça. Et c'est blindé là-bas du côté d'Aulnay. Le 19 février à la cartonnerie de Reims. Le 21 février à Magny-le-Hongre. 27 février à Mulhouse. Le 28 à Metz. Le 13 mars au Plan Driss-Orangis. Le 14 mars à Vannes. 21 mars, c'est pour les Canadiens qui sont à l'écoute sur l'application, sur Skyrock FM. Ils débarquent chez vous. Au Canada, à Montréal, au cabaret du Mile End. J'espère que je le prononce bien, Tabernacle. I classify. Le 27 mars à Sannois, le 28 mars au Festival Chorus de Nanterre, le 2 avril à l'Empreinte de Savigny-le-Temple, le 3 avril à Morlaix, 29 avril au Printemps de Bourges, le 5 mai à Lille et le 30 mai à Toulouse pour retrouver Joke près de chez vous en tournée. Et d'autres dates qui vont arriver plus tard. Avec l'équipe sur scène, avec Bips, avec Azura. Avec Bips, Azura, des invités, des surprises. Et dans quelques minutes, une petite question. Vous allez réfléchir à la question du soir, parce que là, c'est je sais qu'on va y aller. Ouais, on va y aller doucement. C'est ça. Je crois qu'on va poser une question difficile ce soir. C'est vrai. Il faut un peu. Ouais. Ce soir, c'est le pack casino. Alors, c'est le pack challenge. Casino, qu'est-ce que c'est? Il y a l'album, évidemment. Il y a le vinyle collector d'Ateyaba, la casquette Ateyaba, le poster dédicacé, les places de concert près de chez vous et 50 euros en bon d'achat. C'est ça. Et ça fait plaisir. Et aussi. Ouais. Et je crois que c'est annulé, ça. Ah, c'est annulé? C'est annulé. Bon, allez, une dernière pour ce soir. Une dernière pour c'est ce annulé. Soir. C'est fini? Azoura, il s'est réveillé pareil, hein, 19h. Ouais, non, il est fatigué. Il est avec sa meuf, là. Laquelle? Je sais pas. La numéro 3. C'est celle de lundi ou quoi? T'as fait revenir celle de lundi. Ah, oh, le pauvre Azoura. Azoura, tu reconnais ou tu nies? Bon, en tout cas, il y aura peut-être une nuit pour passer aussi avec Azoura tout à l'heure. C'est ça. Alors, on verra, on va négocier avec lui. Réponse dans quelques minutes et on débute avec bah, tiens, le morceau Casino, le pack Casino à choper aussi juste après. Yes. Qui sont à l'arrière, j'arrête ton permis, nique les barrières. On veut s'en sortir maintenant, peu importe la manière. Je leur fais l'amour dans la lumière. Je vois leur chatte quand je frappe ça. Je veux un trio comme 4 size. Des meufs qui se doivent quand je frappe ça. Dieu donne les sentences, parce que les gens pensent ma main. Écoute la haine sur ma bouche, l'amertume sur ma bouche. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider tout seul sur la route. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider, mais c'est mourir par miel. La chance est pour les chanceux. Tout le monde veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Tout le monde veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Tout le monde veut braquer le casino. Tout le monde veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hein? Les déroules sur le tapis vert. Le charisme frappe ton imaginaire. Branche en bois sur lunettes quartier. Je vais en compte avec les chiffres de l'annuaire. J'aime pas Tony Munga, c'est Franck Lucas. Ride à Monte Carlo, Alain Ducasse. Fais gagner tes copines en à peine une passe. On renfoie les petites tasses, on leur efface une case. Même si les temps changent, on garde les sentences, ma main. Écoute la haine sur ma bouche. Hashtag joke sur Skyrock sur ma bouche. Les néons explosent. Joke MTP. J'ai juste les poils de chat de ces Instagram Jokeezy. J-O-K-E-E-Z-Y. Peut avoir une paye de premier ministre. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Quand les décolletés se montrent, je me pose plus de questions. Je vois tes hanches, j'ai l'imagination de Luc Besson. Je me fais des films, baby. Je te le dis sans pression. Ramène tes copines, ramène ta soeur, ramène ta team, baby. J'ai pas de Cadillac, je te drive comme Tom Tom. On cruise comme Tom, on cruise comme Compton. On gagne du temps, juste amène-moi où tu habites, baby. Voir la vie en rose, la vie monochromatique, baby. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Maille. Maille. Oh. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisait comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Non. Je voulais que tous ces connards sachent que les temps avaient changé. On devait faire un exemple pour qu'ils comprennent que c'était fini de rigoler. C'était fini de rigoler. Yeah yeah yeah, MCP dans la place. Dédicace à Iltou qui a pas pu venir. Chill. Hashtag Juke sur Skyrock. Yeah. Je regarde tous les messages. Joke avec nous et ce morceau qui s'appelle Casino, le pack Casino aussi à choper dans quelques minutes. Est-ce que la question est prête ou pas encore, messieurs? La question alors? Finis ta banane tranquille, hein. C'est l'heure du petit-déj pour Joke, hein. Je vous dis ça si vous arrivez à l'instant. Il s'est réveillé à une petite heure maintenant. Il n'y a pas de céréales. Donc c'est le petit-déj. Pas de céréales chez Skyrock. Dommage. Non, ça c'est dommage. On improvise. Une prochaine fois on pourrait avoir des céréales pour toi, tu nous diras. C'est ça. J'aime bien les Chocapic. Choco Pops aussi. Choco Pops, c'est chaud. Très bien. Après ces petits goûts culinaires du matin, est-ce que vous avez la question ou quoi, messieurs? T'as la question, toi, Bips? Ouais, j'ai pas la question encore, mais je sens qu'elle arrive. Ok, j'ai fait un featuring avec un rappeur américain. Sur l'album Ateyaba? Non, dans le projet Prêt pour l'argent 1.5. Ah oui, donc il faut suivre. Ça date un peu. Je voudrais savoir. C'est un projet qui est sorti quand, celui-ci? Il est sorti en 2011, je crois. Ouais, 2011. C'est ça. Un projet gratuit que j'ai fait tout seul de A à Z. Et je voudrais savoir avec qui j'ai rappé dessus. Quel rappeur américain? Quel artiste américain? Allez-y, 41759, laissez bien votre prénom, numéro de téléphone pour Joke, avec le hashtag aussi Joke sur Skyrock. Ça arrive direct dans le studio et les supporters et supportrices sont là. Tu as vu Joke? Ouais. Ça n'arrête pas de défiler depuis tout à l'heure. Hein. Ah, Marion qui aime pas la banane a priori parce que. Elle est lesbienne. Ça va lui faire plaisir. 41759 pour répondre à la question avec quel featuring était présent donc sur le projet. Rappelle-nous le nom du projet, Joe. Prêt pour l'argent 1.5. Allez-y, 41759, vous balancez. Ah bah c'est, je vois déjà des bonnes réponses qui arrivent. Hein. Ça commence à arriver. 41759. Et c'est bien votre numéro de téléphone aussi pour qu'on puisse vous rappeler et repartir avec le pack Casino. Le pack Casino, c'est l'album, le vinyle collector, la casquette Ateyaba, le poster dédicacé. C'est ça. Places de concert et 50€ en bon d'achat. Et peut-être aussi. Tout dépend de l'humeur d'Azura aujourd'hui. C'est ça. Mais la fatigué. La femme... donné toute la semaine. Ah oui, il est mort. Vous retournez un peu à Montpellier ce week-end ou? Bah non, il y a les concerts. Ouais, mais dimanche, on rentre dimanche. Retour à Montpellier. Azura, elle est d'ici. Azura, ouais. Donc toi tu restes? Je suis ici. Toi tu redescends à Montpellier. Premier truc que tu fais, toi, Joe, quand tu retournes à Montpellier, c'est quoi? Aller voir la mer? Aller. Non, jamais de la vie. Non, non. Retourner à la maison, se poser. Je reste au calme chez moi, je dors. C'est ça. T'as écrit beaucoup ces derniers temps? Alors attends, j'ai vu une photo passer hier, je crois, ou avant-hier. Studio. Où t'étais dans la chambre d'hôtel et t'as installé un micro. Ouais. J'écris beaucoup en ce moment. J'essaie de taffer les prods un peu aussi. Je produis un peu, tu vois. Je suis pas. Mais je débute des trucs et après je vois avec Richie ou avec Blastar, tout ça, pour retoucher des trucs. Donc cette semaine a été prolifique un peu hier. Ouais, on a avancé un peu. Mmh. Donc toi t'es dans la chambre d'hôtel, t'enregistres. C'est ça. Tranquillement. En fait, j'ai remarqué sur la tournée à Ateyaba, première partie, tu vois. On passait beaucoup de temps à l'hôtel à pas faire grand chose, tu vois. Je me suis dit que. Fallait mieux ramener un peu de matos, tout ça, et commencer à bosser, tu et vois. T'as fait un ça, peu. On gagne du temps, quoi. Donc il y a eu des morceaux. Je sais pas ce qu'il raconte, ce négro. Qu'est-ce qu'il y a, Bibs? Non, tranquille, tout va bien, frère. Okay. Fais nous partager, qu'est-ce qui se passe? Il y a un plan pour Azura, c'est tout. Ah, déjà? Ouais, déjà, ça arrive. Mais il est épuisé, Azura, donc il peut plus rien faire. Bibs, tu veux prendre la relève? Non, ça va. Il a donné toute la semaine, mais il a des réserves. Donc ouais, Ateyaba, lors de la première partie, t'as écrit des morceaux pour le futur projet. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? On passait beaucoup de temps à l'hôtel à rien faire, en fait. À discuter, à faire de la merde, être sur internet, tout ça. Et je me suis dit que pour la deuxième partie, je voulais vraiment pas perdre mon temps. Pour le temps qu'on passe à l'hôtel, on passe des 4-5 heures là-bas à rien faire. Autant ramener le matos et commencer à travailler. Comme les quinri font, les quinri s'arrêtent pas de travailler, ça. Donc... Faisons ça, c'est tout. Bah, c'est vrai que les mecs, ils sont dans la chambre d'hôtel, ils enregistrent. Ouais. Hein. Comme on est tout le temps en tournée, parfois on part pendant un mois sans rentrer chez nous, ça nous empêche de bosser. Bah, maintenant, on a le tosma à l'hôtel, quoi. Bien. C'est ça. Donc, peut-être des futurs morceaux, peut-être un new shit que l'on découvrira ce soir. Ça a été décidé ou pas encore? Moi, j'ai décidé, mais pas ce soir. Demain ? Demain, demain. Demain, entre 20 et 21. Ce soir, il y a du live ? Ce soir, il y a... ouais. Je crois qu'il y a Major en l'air. Ou il y a Miley. Tout dépend de l'invité s'il sera là d'ici quelques minutes. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas passé le coup du patron. On peut le passer tout de suite. On peut le passer tout de suite, non ? Je suis très chaud. Le morceau s'appelle Coup du patron, où on te retrouve d'ailleurs aux côtés de Dossé, évidemment, qui prépare. C'est extrait de Perestroïka. Ça sort le 16 mars prochain. Et le coup du patron, c'est tout de suite sur Skyrock. Dédicace à mon négro KR de MTP. Quoi de neuf, homie? Ok, Yuri, Durga, Joki, Bourmet, Oji, mes pulcra, Mendoki. Grosse liasse dans le blue jean, grosse paire de couilles à la poutine. Cousine, je suis à Orleans, ce que Jay-Z est à Brooklyn. Quand j'ai fait mon entrée dans ce jazz, tous ces bâtards ont croit vu que je viendrais du terroir. Ouvre ta grand-mère et on te baise, on te fait repartir avec ta pute dans un tupperware. Ico la chronique, je la fume pas. Ico la chronique, je la défraie. Sale fils de pute, j't'aime bien, oui, mais je me préfère. Bitch, je te fais sauter la nuisette, crache tout mon produit laitier dans les puisettes. Flow de la lâche-ca, froid de la lâche-ca, avec la délicatesse d'un Glock 17. Groupie, tu payes ta schneck. Joke sur Skyrock, on t'éteint de freezette. Yuri, tu baisses ta dep, je suis le fucking best. C'est la moindre des choses que je puisse être. Ok. Yuri, Durga, Joki, Bourmet, OG, mes pulcra, Mendoki. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu frappes le coup du poing. Je le cul baraclé comme Obama. Je mate le cul baraclé. Je mate le cul baraclé comme Obama. Je mate le cul baraclé. Je mate le cul baraclé comme Obama. Obama, Obama, Obama. Je mate le cul baraclé comme Obama. Comme Obama, Obama. Là pour vendre la pure, nique les puristes. Prends une ligne, étudie. Suce ma bitch, t'as des tulipes. Un poulet braisé avec du riz. On rafale toute la place avec Yuri. Hop hop, petite pétasse, mais c'est du rythme. Des points dans les culs, des points sur les i. Quoi? On a grandi dans les chaudrons du pays. Merde. Produit dopant dans les urines. Trouve pas ma voix dans les urnes. Les autres sois sûr qu'on les surine. On transforme un bœuf en légumes. Je suis jeune et maigre avec du bif. Plus de bif, du gros bif. Le bourreau martini à l'apéro. Ensuite je te mets une olive. Ramène plus de matos pour nous éliminer. Ça chauffe comme la terre promise. Pétasse fait pas ta diva. Je te prends par derrière comme une choriste. Ois, Ois, la chatte à Gabriel Solis. Je m'introduis, me reproduis et laisse la cape dans ton lit. Ah. Ok, Yuri, Durga, Joki, Bourmet, Oji, mes pulcra, Mendoki. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Comme Obama, je mate le cul d'Araki. Je mate le cul d'Araki comme Obama. Ouais, je mate le cul d'Araki. Je mate le cul d'Araki comme Obama. Obama, Obama, Obama. Je mate le cul d'Araki comme Obama. Comme Obama, Obama. On te caillasse, on te rafale. 14-18, intifada. Pas de Sahal, pas de Sahal. Je te nique ta grand-mère, je te préviens pas. Faut que je revienne dans le game, nique SMR. Comme ce bâtard de noix, je suis qui osait traiter ma mère. Bâtard, j'arrive. Chibré, canon dans tes narines. C'est la moindre des choses, mademoiselle. Missile, sol, air dans tes ovaires. J'suis un soldat, pas un rappeur. Chez Gay, nous on est pas faire du scar. On sent le brolique, le dos sur la cachette. Comme un doctier avec ton sang charge. Tous ces fils de pute de jaloux qui voulaient ma place, négro ne l'auront pas. Oui, j'ai baisé ta fille, j'ai pas mis la vodka. J'ai pris gosse et le trône, j'le rends pas. Non, j'le rends pas, section j'me renforce. Le rap est mort, oui, dans le game of fame. Oui, j'fais de la frappe, dans le trou je frappe. Petit mec costaud, tu connais gros gab. Chez Gay, chez Gay. Ok, Yuri, Zogra, Joki, Bourmet, Oji, mes pulcra, Mendoki. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Je mate le cul d'Araki comme Obama. Je mate le cul d'Araki. Je mate le cul d'Araki comme Obama. Ouais, je mate le cul d'Araki. Je mate le cul d'Araki comme Obama. Obama, Obama, Obama. Je mate le cul d'Araki comme Obama. Perestroïka, 16 mars. Yeah. Jokizi, Dossé, Yuri. Dédicace à Mega Darlings. Yeah, yeah. Le rap français est décentralisé, mon frère. Le coup du patron avec Dossé, en effet, décentralisé. Dossé du 45, toi de Montpellier du 34. Et puis le 5-9 avec Gradure. C'est ça. Sur ce morceau à l'instant. Aucun MC parisien. Gradure qui prendra ta place la semaine prochaine dans Planète Rap entre 20 et 21. Il sort son projet le 23 février. L'homme au Bob. À découvrir dès la semaine prochaine. Et puis Dossé, c'est au mois de mars, hein, 16 mars. Dossé, c'est le 16 mars. Perestroïka, t'as écouté un peu les deux? J'ai écouté. Non, j'ai pas écouté le projet de Gradure. Mais beaucoup de morceaux du projet de Dossé, c'est très très sale. Il y a un sommoir avec Caris qui sort lundi là. Je sais pas s'il fallait que je l'annonce. Mais si, ouais, bon, je crois que c'est annoncé. Très très très costaud. C'est bouteille costaud, Glock. C'est costaud comme jamais. C'est vrai? Ah ouais, c'est sale. Bon, bah on découvrira ça dès lundi. Et peut-être Dossé ce soir aussi? Peut-être Dossé, je sais pas. Après, c'est en retard, les négros. J'ai vu qu'il avait balancé des messages aussi en disant j'arrive dans le Planète Rap. Donc. Okay. Peut-être d'ici quelques minutes. Envoyez aussi la bonne réponse à la question que tu vas rappeler maintenant, Joke, pour repartir avec le pack casino. Donc, j'ai fait un featuring dans le projet Prêt pour l'argent 1.5 en 2011 avec un artiste américain et je voulais savoir son nom. Allez-y, 41-759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Vous repartez avec l'album, le vinyle collector à Teyaba, la casquette à Teyaba, le poster dédicacé, deux places de concert. Et on me dit dans l'oreillette à l'instant même que nous sommes premiers entêtés. Premier entêté ce soir. Oh là là, les gens te chauds. Suivent et envoient le hashtag Joke sur Skyrock. Bravo. C'est chaud ma gueule. Ah, bravo. Merci nos gens. Ça fait très très très très très plaisir ça. Numéro 1 entêté. Et j'ai la meilleure fanbase, je te le dis, Fred. C'est vrai, hein? Non, c'est réel. Ils sont là, ils sont je présents. Te dis, hein. Je te le dis, ils sont là au concert, tout ça, ils rigolent pas. Concert, ah ouais. Ils sont là du côté de Nantes aussi le 13 février, c'est-à-dire vendredi demain, en concert près de chez vous, Joke. Et on va revenir dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on mettra, Joke? Qu'est-ce qu'on mettra? Je pense qu'on va mettre un extrait de DeLorean Music, je pense. Peut-être Grisby, peut-être DeLorean Music. Un des deux. Réfléchis, il y a la pub. Vous voulez quoi? Dites-le moi. Ah bah tiens, envoyez. Hashtag Joke sur Skyrock. Profitez pour envoyer le nom du morceau que vous avez envie d'entendre sur Skyrock avec Joke. C'est juste après ça le retour de Planète Rap. Ladies and gentlemen, t'es prêt ou quoi? Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir avec Joke sur Skyrock. C'est Joke, notre invité toute la semaine entre 20h et 21h avec le hashtag Joke sur Skyrock. Déjà entêté. Et nous accueillons Sinan, c'est ça? C'est Sinan, ouais. Sinan, bienvenue de Strasbourg. Comment ça va, Sinan? Ça va et toi? En pleine forme. Tout à l'heure, Joke a posé une question à savoir. Quel est le rappeur américain qui a posé avec moi sur Prêt pour l'argent 1.5? C'est Action Bronson. Action Bronson. Bien joué, mon pote. Ah là, Sinan, tu connaissais ce morceau? Ouais, bah oui, je connais, bien sûr. Ça s'appelle comment? Bah écoute, là, je l'ai plus en tête, mon frère, je suis sous stress, mais je m'en fous. Alors, Sinan, sache qu'avec que cette bonne réponse, cette bonne réponse, la moitié du pack, mais quand même pas mal, hein, puisque tu repars avec l'album, le vinyle collector, la casquette à Teyaba, le poster dédicacé, les places de concert, 50 euros en bon d'achat, mais malheureusement pas la nuit, avec. Ah. ouais, frère. Avec Azura. Avec Azura. Ah. Dommage. Hein. Non. Bravo Action Bronson qui est un rappeur new-yorkais, hein, qui est un mec qui est incroyable d'ailleurs, parce qu'il est cuisinier avant tout, le mec. Ouais, il est cuisinier. Il est barbu surtout. Très imposant. Il a une émission de cuisine d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà maté. Je vois sur YouTube. Ouais. Et en ligne, il a une émission de cuisine qui est absolument incroyable d'ailleurs. Grave des bois dessus. Il est assez fort, Action Bronson. Et toi d'ailleurs, la connexion s'est faite comment, Joe? La connexion s'est faite en fait à l'époque en 2011, il était pas super connu, tu vois. Je suis tombé sur une vidéo de lui et j'avais déjà enregistré ma partie du son, tu vois. Et je me suis dit qu'il collait parfaitement au truc, donc j'ai envoyé un mail à l'audace comme ça, tu vois. Et il m'a répondu le lendemain, vas-y, je te le fais. Genre, il a kiffé le morceau, tu vois. Il a dit, vas-y, je pose. Ah oui, tu connais, il n'y a pas eu de connexion. Il n'y a pas de manager. Juste mail, bam. C'était mail directement et. C'était le feeling, quoi. Bon, et puis là, ça montre, je crois qu'il vient de signer avec Warner, il y a un an, comme ça. Ouais, il marche bien aux States. Hein. Il a fait une tournée avec Eminem, tout ça, je crois. Donc, Sinan, c'est pour toi, donc le pack casino qu'on t'envoie du côté de Strasbourg. Ouais, du côté de Strasbourg, ouais. Eh ben, merci à toi. Ouais, je peux passer des cases d'aide juste. Vas-y, on t'écoute. Ouais, cases d'aide à Emre, Ertu, Erkan, Stéphane, Léandre, Gunner, tout mon gang, voilà. Même plus, c'est Joe, continue comme ça, on kiffe sur Strasbourg. Seigneur, mon pote. Y'a rien. Vas-y, bah, je vous laisse les gars. Tu passes pas vers Strasbourg, je suis en train de regarder plutôt vers Mulhouse pour toi, non? Ouais, Mulhouse, ça me va, y'a pas de problème. Mulhouse, c'est le 27 février pour Joe qui aura les, bah, y a deux places pour toi. Ça roule parfait. A bientôt, ciao Sinan. A bientôt, ciao. Ciao, passe une bonne soirée. C'est le Planète Rap avec d'ailleurs, Joke. Fred, oui. En parlant de place, les bails de Nicki Minaj, tout ça, là, c'est comment? À qui tu demandes? À toi. À toi. Mais t'es dans quel label, Joke? Pas sur le même qu'elle, frère. C'est Young Money, excuse-moi, Cash Money. Excuse-moi, vous êtes pas un peu collègue Pas du tout. Du tout. Non? C'est toi qui gère la place, Fred. On l'a dit la dernière fois. T'as pas essayé de négocier déjà avec Def Jam? Non, pas du tout. Ils veulent rien savoir? Je veux pas voir avec eux, c'est avec toi que je veux voir. Eh ben, il faudra faire tourner la roulette, Joke. Hein. Ok. Inscription comme. Je serai ici. Comme Maria, quoi. C'est pas facile. Hein. Inscription comme pour tout le monde au 41759. 41759, tu envoies ton prénom, ton numéro de téléphone et peut-être que tu seras sélectionné. Je vais faire ça. Pour faire tourner la roulette tout à l'heure. On met un morceau avant de passer au freestyle par téléphone et au live. On va envoyer Grisby. Allez, Grisby, ça c'est un titre gratos. Hein. On peut l'avoir titre gratos. Gratos qui est sur jokemtp.com. Extrait de l'EP de Laura de Musique. Fais-y par mon gars, Ikaz. Yeah. Demain on se voit mon gars. 09 qui piconnait, dédicace à Lenita et Emily, MTP. Oh là là. Hey yo négro, c'est quoi les bails, le feu est criminel. Pharaon 89 à l'infini mec. Skinny bitch qui en pense pour le petit néguise. Pas timide, mais Skyrock. Si on tient les meubles, génie illimité. Tous les négros veulent imiter l'œuvre. Les billets sont 9-9-9, l'élastique est 9-9. Silicone est 0-9, qui piconnait pour s'occuper de ma bitch. Je veux une meuf qui s'y connaît. Hein. Tu sais que quand c'est moi c'est pas pareil. La puissance du mojo dérègle les appareils. Elle a cramé la haute marpe et installé. Je peux casser le cul n'importe quelle cascadeuse. On est sur les nerfs, nerfs. On est sur les nerfs. C'est la meuf qui te connaît. Le Ron en pique les yeux. Le Ron en pique les yeux. Détends les petits haineux. Détends les petits haineux. Le Ron en pique les yeux. Le Ron en pique les yeux. Le Ron en détend les petits haineux. Sur la vie de mes morts. Dédicace à Sarah Codeneuf, MTP. On évite les ports. Sur la vie, je prends tous ces torts, tout ce qui nous revient, je vais annuler le score. Sur la vie. Le négro est délicat, raffiné, je vais te piner, pas te câliner. On rafle les tasses comme Boko Haram, on laisse l'esprit des négros abîmés. Touche pas au Grisby, Renoir, touche pas au Grisby. Le manque d'argent m'a rendu irritable. Touche pas au Grisby, Renoir, touche pas au Grisby. J'allume un négro en me fumant une gitane. J'ai une Rolex, si je veux 2-3 Rolex, si je veux. Je ride en tramway négro, je ride en Solex, si je veux. Je passe à 5ème Renoir, je nique l'alcotest, si je veux. Je ride avec ton loyer dans la pocket, si je veux. Leur verser, non, oh, qu'une âme. Les voix du Seigneur sont pas auto, tu nappes. Comme ma bitch et son MP, les trappes. Pour mes noirs du Togo, mes noirs du Sénégal, nigga. Le Renoir pique les yeux. Le Renoir pique les yeux. Détends les petits haineux. Détends les petits haineux. Le Renoir pique les yeux. Le Renoir pique les yeux. Le Renoir détend les petits haineux. Sur la vie de mes morts. Sur la vie de mes morts. Sur la vie de mes morts. L'état va pas me ken. On évite les ports. Sur la vie de mes morts. Je prends tous ces torts. Tout ce qui nous revient. Je vais annuler le score. Sur la vie de mes morts. De Laura de Musique en téléchargement gratuit sur jokemtp.com. Dédicace à mon gars Ikaz pour la prod. Yeah. En tournée dans toute la France. Ateyaba Tour part 2. Ateyaba Tour, c'est demain du côté de Nantes. C'est ensuite à Aulnay le 14, c'est-à-dire pour la Saint-Valentin. J'avais même pas capté, c'est la Saint-Valentin à Aulnay. Ouais. 14 février, mais c'est blindé. Donc vous pourrez peut-être pas passer la Saint-Valentin avec Joke. Ça va plus faire la guerre samedi. 14 février, 19 février à Reims, le 21 à Magny-le-Hongle, le 27 février à Mulhouse, le 28 à Metz, le 13 mars à Ris-Orangis, 14 mars à Vannes, le 17 à Puy-Saint-Vincent, au Puy-Saint-Vincent, 21 mars au Canada, 27 mars à Sannois, le 28 mars à La Défense, au Festival Chorus, le 2 avril à Savigny-le-Temple, 3 avril à Morlaix, le 5 mai à Lille, le 29 avril, c'est du côté du Printemps de Bourges, et enfin le 30 mai à Toulouse. Pour retrouver Joke près de chez vous en tournée. Et là, tout de suite, on accueille BeFresh d'Aubervilliers. Salut BeFresh. Hey, on est ensemble. Ça va? Ça va, et vous? Bah écoute, je te présente Joke. Enchanté, okay. On se connaît déjà un petit peu, mais bon, à mon avis, il va pas me reconnaître là. Ah ouais? Ouais. On s'est vu où? D'Amadoun. Ah ouais, c'est possible. T'es son cousin? Non, non, c'est non. Petit cousin? Ouais, si, c'est moi. On a parlé sur Facebook, non? Ok, je m'en rappelle, oui. Et bah, on va t'écouter rapper maintenant, BeFresh. C'est parti? Ok. Allez, session freestyle par téléphone. Là, m'entendez bien, là? Ouais, parfait. Aïe, aïe, aïe. Dédicace à mes négros. Une chip, ils en ensemble. Yeah. Je suis qu'un étranger de plus dans ce pays de merde. Mon négro, je vois que tu me regardes comme si j'étais la peste. Pourquoi ça? Je me lève avec le soleil, je suis complètement à l'ouest. Wow. Mon négro, je fais de la musique et je sais bien que tu kiffes mes prouesses. Ni pas ça, je rappe solo, je suis en haut dans la vallée. Tu kiffes le son, mais tu vas quand même parler. Fais ton travail, te contente pas de râler. À part l'argent, un qui puisse m'aller. Je sors le buzz et je veux pas baler. Dans le triangle, ils font que des trucs carrés. Donc t'es tenté, t'es rejoint de te barrer. Belek mon frère, le démon aime te marrer. Je rêve la ville comme à Medellin. Je pense aux fans depuis mes débuts. Triste à dire, certains sont débiles. Ils jugent les autres parce qu'ils font des vues. Je perds bientôt, ça dépend que de moi. Comme au loto, encaisse le lot, encaisse le gros, ça dépend que de toi. Mon négro, appelle-moi que je signe ça là. Y'a qu'un pipi dans ce putain de pura, c'est bifrisé, encore plus dur qu'un Nokia. Parle pas beaucoup, mais je dégage, t'auras des gars de mojo que jamais tu n'auras. J'aime pas les gens, je veux l'argent d'un avocat. Ramène ta bouche, va pas trop faire ma goka. C'est riche et lance la langue, nommé Tocat. Je vais plus loin, donc quand je rappelle à locate. J'ai osé au fond, c'est pardonnez-moi. J'ai pas d'amour, pour donc relavez-moi. J'apprécie les femmes, j'ai cherché Renoir. J'suis même pas majeur, mais regardez-moi. Fresh mon année, tout le monde veut percer au tir, c'est n'abandonner jamais vos rêves. Vous pensez mes bases années, je représente tous les charbonneurs qui se battent. Allez, on tape des bas, on profite chaque jour, chaque année. Toutes mes Kaira, Omega, c'est pas vanné. Pour chaque matin, en vous disant ça va aller. Bravo à toi, BeFresh, à l'instant, du côté de Aubervilliers. Et bah merci, on peut te retrouver sur le net, on peut te suivre quelque part. Sur Twitter, BeFrizzy. D'ailleurs, Bips m'a jamais follow back, c'est pas grave. Mais moi, en rebas, je te follow back, mon pote. C'est quoi ton Twitter? Ok, BeFrizzy, BFR22E. Ouais. ZY9310. Ok. Essaye de m'arrobas et je vais te chercher, je vais te follow back, mon pote. Et okay. S'il le fait pas d'ici demain. T'as quel âge? T'es jeune. On verra ça, BeFresh. J'ai pas compris. T'as quel âge? 16 ans. 16 piges, ouais. Ouais, t'es bon. Merci. C'est pas facile de faire ça au téléphone. Donc, Et deux, trois petites dédicaces pour finir, BeFresh. Ok, bah, dédicace à mes négros du Sud, une Tipeee, mes négros d'ici, et à trois là-bas, on est ensemble. Ça roule. Merci à toi, BeFresh. Ciao, passe une bonne soirée. Les messages avec le hashtag Joke sur Skyrock. Joke, notre invité dans un instant à live. Alors, on a perdu Dossé. Hein. Ouais, Dossé, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis très inquiet. On n'a pas de nouvelles pour l'instant. On n'a pas eu de nouvelles de Dossé. J'espère que tout se passe bien, qu'on le retrouvera peut-être d'ici la fin de l'émission. C'est ça. Ouais. L'émission n'est pas finie, Fred. Non, c'est pas fini. Si on ne fait pas Miley, c'est de sa faute. Voilà. C'est ça. Envoyez des messages via les réseaux sociaux en disant dépêche-toi pour faire Miley en live. Ou alors au 41-7-5-9, ça arrive dans le studio. On met quoi comme morceau, Joke? Là, qu'est-ce qu'on peut envoyer? Il faut envoyer un peu de sale, non? Un peu de Ateyaba? Ouais, Ateyaba, on a pas mis. Qu'est-ce qu'il y a comme shit qu'on peut envoyer? Un peu énervé. Amistad? Non, Amistad, disons pas. Vous avez pas Amistad? Bon, on peut le trouver là, mais. Mets un extrait d'Ateyaba. Vas-y. On envoie. Non, Pharaon, c'est trop. Frère, c'est trop agressif. C'est trop agressif. Ouais. C'est trop méchant, Pharaon. Vas-y, on envoie Jane Selter, s'il vous plaît. Ah, très bien. Ouh là là. Je sais pas si c'est. Si, c'est une bonne si idée. C'est plus léger. C'est okay. Une bonne idée, c'est léger, ça glisse tout seul. On envoie Jane Selter. Allez, c'est parti maintenant sur K-Rock. Ah. C'est pas ça, Fred. Ok, là, c'est DeLorean Music. Hein. Voilà. Okay. Voilà. Joe Kizzy. Dédicacé au plus beau boule du secteur, négro. A.K.A. Jane Selter, nigga. Black Butter Boy. Bon. Richie Zer. Motherfucker. Yeah. Black Butter Nigga. Petit entaille. Fais pas de manière. Pull ice cream, moyer sa papaya. Tu veux venir briser la glace avec mon ami et moi. Je l'ai couché un soir, ton renom ami. De moi, je t'ai fait pas de dessin, pas d'entaille. On veut les Bahamas, nique sa mère, pas taille. Tu veux t'en mettre dans le nez, je te ramène l'Himalaya. Si tu es un gars d'ici, j'ai le mojo d'un gars d'ailleurs. J'fly à Maya, j'fly à Maya. Tu m'appelles bébé, j't'ai fait boom bye bye. Black Butter Boy dans le carré comme Maya. Santiago veut porrer du bon aya. Black, Black Butter Boy, pop pas le moed. Big booty bitches inspire le poète. Black Butter Boy, pop pas le moed. Big booty bitches inspire le poète. Nigga, personne ne peut tester la parisienne. La parisienne, yeah, yeah. Personne ne peut tester la parisienne. La parisienne, mais j'ai un petit fait pour l'américaine. L'américaine, mais Renoir, amène-moi la mexicaine. Wow. La mexicaine, la parisienne, la mexicaine, mais je crois que je préfère l'américaine. Produit par Richie Beats. La parisienne, la mexicaine, mais Renoir, amène-moi la jamaïcaine. La parisienne, la mexicaine. Deuxième couplet. Ramène-moi l'égyptienne. Les demoiselles fragiles. Bouchez vos oreilles. Yeah. Ramène ton boule que je mette ma bouche dedans. En rendant des discours de grand, mouille le maillot, laisse refroidir le banc. Le chauffeur attend juste devant, je t'attrape par les feux, toi dans la bouche, je te fais du sale, rentre dans la douche, mets-toi à quatre pattes, j'allume mon cigarillo, je te traite comme une racaille. Je t'arrache tes banilons, petit, je vais te montrer comment je claque des seufs. J'ai tellement faire du sale, je vais me faire serrer par les keufs. J'attrape la bouteille, te force à boire au rouleau. Tu l'as dans la bouche, je crois que t'as la tête sous l'eau. Je sais que je tape trop fort, mais je m'en bats les reins. Je donne du hardcore comme un ghanéen. Je donne ça comme Brad Pitt, comme Angelina, par la ma beat. Apprends par les minas. Personne ne peut tester la parisienne. La parisienne, yeah, yeah. Personne ne peut tester la parisienne. La parisienne, mais j'ai un petit fait pour l'américaine. L'américaine, mais Renoir, amène-moi la mexicaine. La mexicaine, la parisienne, la mexicaine, mais je crois que je préfère l'américaine. La parisienne, la mexicaine, mais Renoir, amène-moi la jamaïcaine. La parisienne, la mexicaine, n'importe quelle africaine. Mais, mais, personne ne peut tester la parisienne. Dédicace à toutes mes demoiselles. J'espère que tu vas bien. Qui viennent sur la terre à Batour. Si tu fais rien ce soir, bah passe, mon mec n'est pas là. Mais j'ai un petit fait pour l'américaine. Hello Joke, it's Lexi. I miss you. Can you come to my house? Call me back. Bisous. Renoir, amène-moi la mexicaine. Hola Joke, cariño. Te llamé, pero no respondiste. Así que te dejo un mensaje. Ciao. N'importe quelle africaine. Joke easy, moté mananga, na bengi, kasina kochina répondeur, soki ozu message danga, benginga, salé liu fort. Ateyaba toujours dans les bacs et sur iTunes. Yeah. Produit par Richie Beats. Dédicace au négro. Right. Hashtag Joke sur Skyrock. Le Planète Rap avec Joke et ce morceau inspiré par une jeune fille qui s'appelle Jen Selter. Jen Selter, mannequin fait, de son état, hein. Qui fait, ouais, qui fait du sport, qui fait beaucoup de squats et ça se voit sur sa silhouette. T'as vraiment inspiré, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah... qui ne le serait pas. Un genre de muse, c'est ça. Tu l'as rencontré? Non, jamais. Non, toujours mais pas. Elle m'a suivi sur Instagram. Ah. Elle me suit sur Twitter. Mais sur Twitter, elle suit beaucoup de monde, tu vois. Après, elle m'a suivi sur Instagram. Par contre, sur Instagram, elle suit pas beaucoup de monde. J'ai parlé avec elle vite fait, mais cool. Et alors? Cool, cool. Elle a kiffé le morceau. Ouais, elle m'a dit qu'elle a kiffé le morceau. C'est vrai? Ouais, ouais. Bon, bah, très bien, bad joke. La suite des aventures, peut-être qu'il y aura un James Shelter 2 hein, sur le prochain peut-être. Album. Ouais, je l'ai trouvé, peut-être, on va faire un Amber Rose, un truc comme ça, je sais pas. Ou une, peut-être, oui, j'allais demander une autre muse, peut-être en ce moment, tu ouais, regardes Amber beaucoup. Amber Rose, tu... elle est pas mal. Hein. C'est elle vrai? Est un peu déchaînée, Amber Rose, en ce moment. Ah bah depuis qu'elle est plus avec Wiz Ouais. On voit des photos sur des balcons, des trucs. On voit des strip clubs, tout ça là, c'est pas mal du tout. Qui sait, à suivre sur le prochain album de Joke. Puisqu'il est en train de bosser dessus et tu bosses, on le disait en début d'émission, même de ta chambre d'hôtel. Donc peut-être un morceau inspiré par Amber Rose. À suivre. Est-ce que tu es prêt pour le live? Pas encore. Je voulais parler du projet de mon gars Wormsy. Ouais. En fait, mardi, je t'ai dit que j'ai tourné un clip en fait à Bobigny. Donc c'était pour le projet de Wormsy qui sort le 23. Le 23 février. Là. Et qui est là? Wormsy qui est là. On est venu donner la force du 93. Ça va? La vraie. Toi, tu vas bien? Bah écoute, en pleine forme aussi. Pareil, tout va bien. T'as pris un coup, hein? Qu'est-ce qui se passe? Le coup du patron, ça s'appelle. Non, sinon, ça va, tu vas bien? Bah écoute, en pleine forme, ouais, tout va bien. Ouais, on prépare du gros projet bien sérieux pour le 23 février. Donc ça arrive. J'ai eu l'honneur d'avoir Jock sur un morceau. Et donc le clip a été tourné là cette semaine? Cette semaine. Le morceau s'appelle Hall. On a fait ça un peu dans. On a essayé d'amener une nouvelle image, tu vois. Un nouveau truc. Et à mon avis, les gens vont apprécier. Produit par Thérapie. Donc ouais. Le clip arrive aussi pareil pour la sortie? Ouais, pour la semaine sortie. Pro? Ouais, possible. On va voir. Bon, Wormsy, allez suivre le garçon. Voilà, il a déjà balancé pas mal de sons. Voilà. Et là, le projet arrive donc le 23 février. Dans 15 jours, d'ici une quinzaine de jours. Maintenant, est-ce que tu es prêt pour le live, Joe? On va faire un petit live. Oumar, Dossé, c'est terminé? Dossé, pas de nouvelles, hein? Peut-être demain. C'est cuit? Ah, c'est cuit pour ce soir. Donc, pas de Miley pour aujourd'hui. Dommage. On va devoir improviser un peu les bails. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que t'as, toi, ou pas? Bon, on envoie Major en l'air. Allez, c'est parti, Major en l'air, maintenant, en live dans l'émission. You! C'est parti. Majeur en l'air. Majeur en l'air. Majeur en l'air. Ah, t'es abattu par deux dans toute la France, mon frère. Ok. Majeur. Maman, majeur en l'air. Majeur en l'air. Maman, majeur en l'air, négro. Majeur en l'air. Maman, majeur en l'air. Majeur en l'air, right. Maman majeur en l'air. On va élever les cochons ensemble. Pas soulever de cochons ensemble. Wax Hollande et pour mon ensemble. Le rap français dans son ensemble. L'étang français, juif fait sa fête. Nique sa grand-mère le 14 juillet. Négro, prends cul les marins. Faut juste les papiers pour s'essuyer. Négro, si tu veux compter de la monnaie, passe moins de temps à compter tes airs. Que le rap pourrisse dans son cercueil. Le prince lui fera porter des fleurs. On voit ta chagate avec des guerres. Avec l'argent, la vie c'est meilleur. On t'aide à devenir un beau cadavre. Si tu es un mauvais payeur. Si elle aime pas le rap, Marie la Rila, rap va me payer ma Villa Villa, cigarie au vanilla, Nila, sur la moula, la Bila Bila, hey! Bila Bila, j'ai bon fond, Wallaï Bila Bila, terroriste au cristal, parce que je vais faire péter le cristal, on est sur les nerfs. On aime pas ça, on efface la dette, on aime pas ça. Nique les paramètres, les gros sont là, quoi? Les gros sont là, mais les gros sont là, hey! MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. Ok. Je déçois pas les tantimes, je compte toujours mes centimes. On fait nos bails sans fil et sans fil, sans téléphone, sans fil. Les profs d'histoire m'a menti, ah. La pétasse t'a menti. Ah. Je cracherai pas dessus, mais gros, je veux pas mentir. Monde garanti à vie, mais ma vie n'est pas garantie. Je te laisse passer devant, je t'aimerais ton cul. J'encule la galanterie. C'est qu'une question de temps, j'enlève le lent, transforme ça en gâterie. Carquer les bis sur une Marseillaise, enfant de la patrie. Renoir, si tu payes en cash, t'auras sûrement pas de reçu. Les bâtards jouent de la flûte, les putes vont s'asseoir dessus. Plus virulent que le sida, pilote de l'île d'Al-Qaïda. Encore plus sombre que Dark Vador, le père du fils à Rachid Aïda. On aime pas ça, on efface la dette, on aime pas ça. Nique les paramètres, les gros sont là. Quoi? Les gros sont là, mais les gros sont là. Hey. Négros sont là, MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge, je fais du sale pour mes négros. Okay.

Casino, extrait d'Ateyaba à l'instant. Et demain, il y aura encore pour la dernière de la semaine, le pack Casino à choper. Le pack Casino à choper. Donc soyez au rencard, à ne pas louper, on aura avec certainement... Avec la soirée maintenant, avec Azura et Bips. Comme c'est le dernier, c'est le bonus maximum. Bah loupez pas demain entre 20 et 21. Peut-être le retour, enfin l'arrivée de Dossé demain, qui sait. Si Dieu veut. On sait pas, ce sera demain entre 20 et 21 à suivre dans Planète Rap. Mais juste avant de se quitter, on va faire tourner la roulette. Tu t'es inscrit mais ça va pas marcher a priori, Joker. Hein. Ouais. Parce que là c'est Chloé. Skyrock t'offre la superstar US Nicki Minaj en concert avec ta radio préférée. Chloé de Saint-Raphaël, comment ça va Chloé? Très bien, merci. Bienvenue dans le Planète Rap avec Joke. Merci beaucoup. Ça va ou quoi? Super, super. Est-ce que tu es prête à faire tourner la roulette Chloé? Bien sûr. Allez on y va, on lance la roulette, des places pour toi hein, pour aller voir Nicki Minaj. Et je rappelle que Joke cherche toujours une invite. Donc si tu veux être généreuse Chloé. On peut partager au calme. Ce petit rire qu'a eu Chloé me fait dire que non. Elle va les garder. Elle va les garder ces deux places pour Nicki Minaj. C'est pour toi Chloé. Merci. C'est pour toi et moi. Ah, concert 25 et 26 mars, 26 mars pardon, prochain au Zénith de Paris. C'est pour toi. Ah bah toi, j'y serai. J'y serai avec Joke alors. Mais, ah avec moi? Avec Joke? Ah oui. Tu ah l'invites? C'est cool ça. Bah Nicki Minaj c'est ma Vénus, mais bon, si Joe qui veut que je sois la sienne, il y a pas de problème. Ouais. Ok, c'est propre ça. C'est chaud ça. Ok, vas-y on s'arrange après. Quelle classe, un peu de poésie. Ouais. Ah bien chaud, sûr. Et bah merci à toi. On te fait un bisou, on vous laisse vous arranger hein, pour le concert, donner rendez-vous devant l'entrée du Zénith, je sais pas. Hein. En tout cas, le 25 ou le 26 mars prochain. Merci à toi, Chloé, merci. Merci à toi, Joke, merci à Bips, merci à Zoura qui était là. Je juste une dédicace aussi. Juste une dédicace à Yoda. Et juste pour te dire, Yoda, demain matin, on sera en retard au van, mais mon frère, force, on est là avec toi, mon pote. Très bien, puisqu'il y a aussi un départ, en effet, pour Nantes. Nantes, le concert dans le cadre du festival Hip Hop Session. Merci à vous tous. On va retrouver D-Fool, normalement, qui est là, qui est connecté avec toute l'équipe. Oui, une connexion établie, on est là. Hello, hello. Hello, Fredo. Ça va? Salut, Joke. Ça va bien, et toi? Au calme. Au calme. Bon, prêt pour la dernière demain, alors. C'est ça. Donc, du lourd et du sale, j'ai entendu. Là, du lourd, du sale. Comme d'habitude. Tout ce qu'on aime. À pas louper à partir de 20h. 20h, 21h, c'est la semaine de Joke sur Skyrock. Nous, on arrive dans un instant pour la radio libre. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Si vous avez un truc à dire, profitez-en. Hein. Tu le sais, Joke. Vous pouvez nous appeler au 01 53 40 30. Il y a Marie qui est en train de courir. Je crois qu'elle a quelque chose à te dire. Non, j'ai d'aller chercher mon casque parce que sinon, je n'entendais pas. Je vais venir vous voir, de toute façon. Ah, très bien. Donc, Joke. Un petit squat. Ce soir, Joke débarque dans la radio libre. Ouais, je vais venir vous voir. Le retour dans un instant, puis le retour demain soir. 20h, 21h. Nous, c'est parti jusqu'à minuit au 01 53 40 30 20, vous pouvez nous appeler de toute la France si vous avez un truc à nous dire. Vous profitez de cette soirée. Fredo, un petit truc à dire à tout le monde ce soir avant d'y aller? Eh ben très belle soirée, je pense que ça va être très bien. Il faut rester au moins jusqu'à minuit, minuit et demi avec toute l'équipe. Au moins. Et n'oubliez pas ce soir qu'il y aura le problème du mois. C'est pour ça qu'il faut rester pour le problème du mois obligatoirement. Eh ben problème du mois à suivre sera là tout à l'heure sur Skyrock. Et puis Gradure, c'est dans un instant. Gradure, on va le retrouver tout de suite. Ouais, on va se mettre jamais là. Ça arrive dans une minute. Gradure sur Skyrock pour démarrer la soirée. L'album arrive le 23. Ouais, et semaine prochaine, c'est semaine Gradure dans Planète Rap. Il débarque dès lundi. Et bah, pas louper non plus. Faut pas louper un Planète Rap là. Demain, Joe. C'est ça en fait. Dès lundi, Gradure qui arrive et Gradure qu'on va écouter tout de suite sur Skyrock. Et dans une minute, on arrive. Appelez-nous hein, pour débarquer ici. 01 53 40 30 20. C'est parti en direct jusqu'à minuit. Salut Joe, salut Fredo. Ciao. Et c'est parti pour Gradure. Tous les matins sur Skyrock, il se passe.